Chapitre 27. L'escabeau de Gringoneur. D'après le peu qu'avait entrevu Gringoneur dans l'antichambre d'Odette de Champ d'Hiver, le lecteur a pu reconstituer les décisions prises par le duc de Bourgogne. Précisons. Jean sans peur avait un double intérêt à s'emparer d'Odette par ruse et violence. D'abord intérêt d'ambition. Il lui était nécessaire de pouvoir dire à Isabeau « Vos ordres sont exécutés. Il n'y a plus de petite reine à l'hôtel Saint-Paul. Vous êtes l'unique souveraine maîtresse. » Ensuite, intérêt passionnel. La promesse de Saïtano se réalisait avec une rapidité qui l'épouvantait et lui donnait, de la puissance du sorcier, une idée extraordinaire. L'attitude d'Odette était transformée. Odette l'aimait. Il lui fallait profiter sur le champ de ce nouvel état d'âme qui peut-être ne durerait que quelques jours ou quelques heures. La décision de Jean sans peur fut prise à l'instant même où Odette lui jeta ce regard de tendresse inexplicable, incompréhensible. La situation de Jean sans peur et d'Odette était dramatique au premier chef. Le fait que l'un et l'autre ignoraient l'effroyable drame qu'il se jouait la rendait plus poignante. Jean sans peur ne savait pas qu'Odette était sa fille. Odette ne savait pas que son père l'aimait d'un amour violent. Quoi qu'il en soit, Jean sans peur résolut d'agir. Le plan fut simple. Les quatre assassins du duc d'Orléans, tout échauffés de leur victoire, ayant encore le goût du sang à leurs mufles, ne demandaient qu'à se ruer sur quelque nouvelle proie. Dès que le comte d'Armagnac se fut éloigné, le maître les conduisit sur le champ de bataille et leur fit la démonstration du nouveau fait d'armes. Honoré de Champ d'Hiver, proprement étranglé ou poignardé, au choix. Répétition du même jeu en ce qui concernait Dame Margentine. Odette bâillonnée. Le poste de l'hôtel Saint-Paul gagné. La jeune fille transportée à l'hôtel de Bourgogne. C'était facile. C'était là une de ces honorables expéditions sans gros risques, amusantes au fond. Et puis il y avait de l'amour sous roche. Les quatre furent enthousiasmés. Jean sans peur fut certain que la nuit suivante, un peu après minuit, Odette de Champ d'Hiver serait noblement hébergée à l'hôtel de Bourgogne. Les quatre se préparèrent à agir. Là-dessus, nous pouvons revenir à Jacquemin Gringoneur, qui continuait à réfléchir avec l'intrépidité d'un gosier que rien ne peut désaltérer. Il avait passé là sa journée, ruminant, songeant, frissonnant parfois de peur et s'échauffant parfois à des colères terribles. Ayant établi qu'en somme c'était Odette de Champ d'Hiver qui était menacée, il chercha un moyen de la sauver sans s'exposer lui-même à quelques coups de dague. Ce moyen, il ne le trouvait pas. Et il se remit à boire tout seul dans l'espoir de trouver enfin une bonne idée. Vers le sixième flacon, il trouva enfin la bonne idée. Il l'étudia avec la conscience qu'il mettait à toute chose, c'est-à-dire qu'il vida son septième flacon jusqu'à la dernière goutte. Cette idée consistait à prévenir le chevalier de Passavant. Nestor lui-même, se disait Gringoneur, n'eut pas mieux trouvé. Ce jeune homme me paraît posséder la bravoure et la force d'Ajax. Il est généreux. Il cherche aventure. C'est lui qui sauvera la noble demoiselle et le vieux chevalier. Et que m'en aura-t-il coûté? La peine de monter cet escalier et de frapper à la porte de ce brave. Allons. Gringoneur se leva, et il faut dire que pour le coup, il était résolu à agir. Tout à coup, il se rassit, pétrifié par la soudaine apparition de Scas, Guine, Hoquetonville et Courteheuse, qui, à grand tapage, venaient d'entrer dans le cabaret. Jacquemin retomba sur son escabeau. Les quatre spadassins avisèrent une table voisine à laquelle deux hommes de mauvaise mine avaient pris place. « Hola !» grogna Hoquetonville. « Qu'on déloge maintenant et qu'on nous cède la table !» Des deux hommes, l'un pâlit et porta la main au manche d'un poignard passé à sa ceinture. Mais l'autre lui saisit le bras, le força à se lever, jeta une pièce sur la table et dit froidement. « C'est juste, des manants comme nous doivent céder la place à vos seigneuries. Allons, camarades, assez bu pour ce soir, en route. » Si le chevalier de Passavant à qui songeait Gringoneur se fût trouvé là, il eût reconnu dans l'homme qui venait de parler l'écorcheur de la forêt de Vincennes à qui il avait fait don à la fois de la vie et de la liberté. Les deux hommes sortirent. Dehors, il faisait nuit noire. La rue était déserte. À peine si de loin en loin, les lumières de quelques tavernes rayaient la chaussée d'une bande de pâles lumières. Ils traversèrent la rue et, avec l'agilité de bêtes nocturnes, escaladèrent le mur de clôture du logis Passavant. Nul ne les avait vus. Les eût-on vus, que nul ne se fût avisé de leur demander compte de cette escalade. Abandonné et ruiné, l'hôtel Passavant avait mauvaise réputation dans le quartier et passait pour être devenu un repère de truands ou d'écorcheurs ou de spectres ou de sorciers, dont ne savait quoi enfin, qui sentait la corde, le soufre, le fagot. Quant aux quatre spadassins, ils avaient à grands cris demandé du vin, et toute l'armée de Thibault le Poingre s'empressait à servir ses clients d'importance. Les quatre se mirent à boire coup sur coup. Ils avaient besoin de s'exciter. Le moment de l'attaque approchait. Il était 10 heures. On les attendait à 11 à la grande porte de l'hôtel Saint-Paul. Ils demandaient donc au vin la générosité nécessaire pour octroyer à un vieillard et à une femme bonne mesure de coups de dague. Du moins, ils croyaient lui demander cela. En réalité, ils lui demandaient encore, et surtout, l'oubli. L'oubli de la voix qui, du fond de la nuit, leur avait crié « Que ton ville, Guin, Scas, courte Euse, tu mourras de ma main !» C'était sa voix, c'était la voix de Passavant. Ils riaient aux éclats, mais leurs yeux ne riaient plus. Leurs yeux se disaient « C'était sa voix !» Ils parlaient haut, injuriaient les valets, pinçaient les servantes, mais leurs yeux chargés d'inquiétude et de soupçons étaient aux aguets. Par la jupe de Junot, gronda Gringoneur en se levant. Je crois qu'il est temps de monter chez le jeune lion de là-haut. Bah, fit à ce moment Oquetonville dans un éclat de rire strident. N'y pensons plus, Passavant est mort. Pour cette fois encore, Jacquemin Gringoneur se rassit. Il était très pâle. Sourdement, il se répéta. Passavant est mort. Le pauvre diable boit de l'eau, reprit courte Euse. Les truands ne l'ont-ils pas jeté à la Seine ? Après l'avoir dagué proprement, ajouta Guin. Puisque Passavant boit de l'eau, dit Scas, je veux boire sa part de vin. J'ai soif rien qu'à l'idée de le savoir au fin fond du fleuve. Gringoneur passa une de ses mains sur son front. Il était dégrisé. Il se pencha vers la table voisine. Mes seigneurs, dit-il en tremblant, ne dites-vous pas que le chevalier de Passavant est mort ? « Mort et enterré, » dit Guin. « Où est mon digne barbouillard de cartes ?»« Enterré ?» grogna Scas. « C'est faux. La vérité avant tout. Passavant est dans l'eau. »« Quoi ?» fit avec effort Gringoneur. « En êtes-vous bien sûr, mes gentilshommes ?»« À telle enseigne, » dit Oquetonville, avec un clignement des yeux, « que nous avons vu ce pauvre chevalier tout percé de coups. Nous avons voulu le ranimer, mais il était trop tard. « Trop tard, maître Gringoneur, » dit Guin. Les mêmes truands qui l'avaient lardé l'ont jeté ensuite à la Seine, ajouta courte Euse. C'est dommage, c'était un brave. À la santé de Passavant. Buvez donc, messire Gringoneur. Les quatre spadassins vidèrent leurs gobelets. Gringoneur machinalement les imita. La tête lui tournait, et cette fois ce n'était plus sous l'influence du vin. Il comprenait que par sa faute, Odette de Champdivers était perdue. Le pauvre diable, en quelques instants, roula fort ce projet dont le plus raisonnable était d'attendre que les estafiers fussent sortis, de courir à l'hôtel Saint-Paul par un raccourci de ruelle où il ne se hasarderait pas sans doute, et de donner l'alarme. 11 heures bientôt, fit tout à coup courte Euse. Diable, fit Guin, il est temps de rentrer à l'hôtel de Bourgogne si nous ne voulons coucher dehors. « En route !» commanda Oquetonville rudement. Quelques instants plus tard, Gringoneur vit qu'il était seul dans la salle. Thibault le Poingre s'était retiré dans sa chambre. Seul Périnet restait pour fermer. « Allons !» se dit Jacquemin en se soulevant. Il était dit que ce soir-là, une fatalité rivait Gringoneur à cet escabeau. En effet, le bohème se rassit. Il claquait des dents. Il était blême. Ses cheveux se hérissaient. Son bras étendu désignait à Périnet, ébahi, une vision, un spectre, une apparition qui l'épouvantait. « Lui ?» bégayait Gringoneur. « Oh, c'est bien lui !»« Sans doute, » fit tranquillement le valet. « C'est monsieur le chevalier de Passavant. » C'était Passavant, en effet. Il entra, s'approcha de Gringoneur, et avec son mince sourire ironique, « Vous buvez trop, maître Jacquemin. Si vous continuez, il ne restera plus rien pour moi, et je serai forcé d'aller gîter ailleurs, ce qui désobligera votre ami Thibault. » « Quoi ? » balbutia Gringoneur. « Vous n'êtes pas mort ?»« Et pourquoi serais-je mort ?» dit Passavant. « Quoi ? Des truands ne vous ont pas lardé de je ne sais combien de coups de dague ?»« Vous pouvez voir que je suis à peu près intact. » Quoi, ces mêmes truands ne vous ont pas jeté dans le fleuve, ainsi que le prétendaient les sires de Scas, de Courteheuse, de Guine et d'Oquetonville ? Ah ah, fit Passavant, c'est autre chose. Je suis mort, et bien mort, maître Gringoneur. Je vous prie de ne pas oublier cela. Eh, vous m'y faites songer. Il faut que j'en prévienne aussi l'honnête Thibault, ce qui lui sera une occasion de me présenter sa note. « Quant à toi, ajouta-t-il en s'adressant à Périnet, si tu t'avises jamais de dire que tu m'as vu vivant, je te coupe les oreilles, je les fais fricasser au petit lard et je te force à les manger. » Périnet disparut avec célérité. « Bonsoir, maître Jacquemin, dit le chevalier en se dirigeant vers l'escalier. N'oubliez pas que je suis mort. » Gringoneur se dressa tout d'une pièce. « Victoire ! Cette fois, il ne retomba pas sur le fatal escabeau. Il courut à Passavant, le saisit par le bras, et avant que le chevalier eût eu le temps de réprimer cette familiarité. « Savez-vous, mon gentilhomme, que je vous ai attendu toute la journée ? Savez-vous que les quatre chiens enragés dont je vous parlais courent en ce moment à l'hôtel Saint-Paul ? Savez-vous qu'ils doivent tuer Honoré de Champdivers ? Ah, monsieur le chevalier, si vous avez pitié de ce malheureux vieillard, de la noble demoiselle qui... » Passavant saisit violemment Gringoneur au bras et gronda. « Quelle noble demoiselle ! Odette ? Mais oui. Et tu dis qu'elle est menacée ? Parle donc, sacripant. » « Oh ! Fit Gringoneur, si vous m'effrayez ainsi, avec votre terrible figure et vos yeux de démon, je ne pourrai plus parler. » « Elle est menacée, peut-être. Elle ou le roi, je ne sais au juste. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, en ce moment même, Oquetonville, Guine, Scas et Courteheuse doivent entrer dans le palais du roi. » Passavant n'en entendit pas plus long. Il poussa Gringoneur devant lui, et celui-ci, effaré, ahuri, se trouva dehors, toujours courant, toujours traîné par Passavant qui disait « Tu es un familier de l'hôtel Saint-Paul ?»« Oui, par le diable, mais... » « Tu dois connaître le mot de passe ?»« Oui, par Jupiter, mais... » « Charge-toi de me faire entrer, ou je t'étripe. »« Je m'en charge, mais lâchez-moi, » vociféra Gringoneur. Passavant alors consentit à lâcher le peintre des cartes de sa majesté. Les deux hommes, par des raccourcis, continuèrent leur course et débouchèrent dans la rue Saint-Antoine, juste à point pour voir quatre ombres se glisser dans l'hôtel Saint-Paul par la grande porte qui se referma. « Ce sont eux, » souffla Gringoneur. « Nous arrivons à temps. » « En avant !» fit le chevalier entre les dents. Ils arrivèrent devant la porte. Sur les instances de Gringoneur, Passavant s'arrêta à quelque distance et le bohème s'avança seul pour parlementer avec l'arbalétrier posté en sentinelle avancée. Passavant, bouillant d'impatience, entendit que des paroles étaient échangées à voix basse. Puis il vit venir à lui Gringoneur. « Nous entrons, n'est-ce pas ? » haleta le chevalier. « Non, » fit Gringoneur, d'une voix sourde. « Le mot de passe vient d'être changé. »« Malédiction !»